بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. لأن si tu fais pas توبة, est-ce que c'est la solution? La solution c'est l'istighfar. La solution c'est التوبة. La solution c'est الاستقامة. C'est ça la solution. Les regrets, les efforts. Amma fi'l ba'd an-nas annahum ils font pas التوبة et ils pensent que c'est trop tard. هذا هو باب الهلاك. طهمونير ابن احمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الإمام المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية قال هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة. فاستبخس هذه الآية الكريمة سئن بشرى للعباد. فالله سبحانه وتعالى يدمنتخ أنه مهما حصل للعبد من الأخطاء ومن الذنوب ومن الزلات فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب ويغفر للمسيء للمخطئ للمذنب. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي بالذنوب والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله ديزيسبيغبا من رحمة الله عز وجل فإن الله كما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يبغضن الذنوب. قال ابن كثير رحمة الله عليه قال وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. cette condition. On fait tous des péchés. On a tous des faiblesses. لكن أخي الكريم n'oublie jamais et ne désespère surtout pas لأن الله عز وجل الذي خلقك والذي يسر لك اتباع هذا الدين نوبلي جامع أنه il accepte le repentir et il pardonne بشرط ce que tu fasses توبة. قال ابن كثير لمن تاب منها ورجع قال ورجع عنها وإن كانت مهما كانت نعم أي الذنوب قال وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وإن كانت مثل زبد البحر أي هذه الذنوب ولو سي سي سون نومبرو سي بيشي ولو سي تتفي بوكو دو مال بوكو دو توغ توا ميم أخي الكريم فلا تقنط من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى يباردن تو طونك العبد. Tant que ce serviteur, il fait une tawbah, khalisa, li wajihil karim, azza wa jal. Bien sûr, avec des conditions qu'on va citer dans cette kalima. Qala al-allama, al-shaykh Sa'di rahmatullah alayh, yukhbiru ta'ala ibadahu al-musrifin, bi sa'at karami. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala karimun. الله سبحانه وتعالى إلى غفور الله سبحانه وتعالى ست تواب فلا تقنط أبدا. قال ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك. نعم فنحن on doit pas être في غفلة tant que t'es vivant tant que t'es sur cette terre أخي الكريم فإن شاء الله التوبة elle est مقبولة. قال فقال أي الله عز وجل قل يا أيها الرسول أي في الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل أي أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا لعبادي عن ربهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذه سأنبشرة لعباد الله جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الإسراف هنا أي ils ont fait beaucoup de péchés beaucoup de مخالفات beaucoup de معاصي الله سبحانه وتعالى يخاطبهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الحقيقة celui qui fait des péchés se fait du tort qu'à lui-même الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن عبادة العباد فالله سبحانه وتعالى démontre يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قال الشيخ سعدي باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب des péchés, des مخالفات des faiblesses. Enfin, la première étape, Akhil Karim, c'est que tu reconnaisses ces faiblesses. S'entêter, ça rajoute que du mal sur du mal. Là, l'insan, il est munsif. Et yatawada' lillahi azza wa jal. Tu reconnais. Annaka ta abd dha'if. Annaka ta fait des péchés. Ta fait des mukhalafat. Enfin, tu reconnais et tu sais anna ربك الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر ويقبل توبة العبد قال باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب قال جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله قال الشيخ سعدي أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة باب الهلاك celui qui pense qui ne peut plus faire marche arrière, qui ne peut plus faire tawbah, qui l'a trop fait, qu'a dhan ba'd al-juhal, ba'd al-juhal min al-muslimin, rubbama yashrub al-khamr, rubbama wal-iyadu billahi fonzina, et autres, beaucoup de dounoub et de ma'asi, et il délaisse des obligations kadhalik, si tu le conseilles, il pense qu'il a été trop loin. Wa hadha, c'est un jahl kabir. Li'anna, لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء الله سبحانه وتعالى سالغفور سالغفار سالتواب وتأملوا في هذه الأسماء العظيمة التواب صيغة مبالغة أي توبة الله عز وجل الله يبردن تو طوك العبد إلى الكونديشن بيان سور طوك العبد يدمون باردن ويفت توبة فمثل هذا الاعتقاد وهذا الظن السيء من بعض الناس أنهم ils ont été trop loin لأنهم ils connaissent pas Allah عز وجل et ils connaissent pas les noms et les attributs de Allah سبحانه وتعالى قال الشيخ سعدي قال لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ça c'est باب الهلاك et ça c'est من استدراج الشيطان للعبد pour qu'il l'égare نعم لأن si tu fais pas de tawbah est-ce que c'est la solution. Tabetan. La solution c'est al-istighfar. La solution c'est at-tawba. La solution c'est al-istiqam. C'est ça la solution. Les regrets, les efforts. Amma fi'l ba'd an-nas annahum ils font pas de tawba et ils pensent que c'est trop tard. Hadha huwa bab al-halak. Lianna c'est jamais trop tard si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Bien sûr, tant que tu es vivant, et tant que الشمس ما طلعت من مغربها, كما سيأتي معنا. قال الشيخ سعدي وتقول قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا. كما يقول البعض. J'ai trop fait. J'ai été trop loin. نعوذ بالله. Si tu as été trop loin, et si tu as trop fait, et tu reconnais, فعلم. أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنط نغجب هذه الكبيرة أي القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله نغجب هذا الذنب العظيم على ذنوبك فيفرح الشيطان إسكيب إبليس عليه لعائن الله قال الشيخ سعدي وتقول قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها. نعم هذا ظن الجاهلي. Et ça c'est un ضعف كبير. Et comme قال الشيخ سعدي فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن أسباب الهلاك c'est ce معتقد. Cette mauvaise pensée envers Allah Azza wa Jal, annahu, il ne peut pas pardonner à cette personne, les anna cette personne elle a trop fait. Abadan. قال الشيخ سعدي فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان. Et c'est ce qu'il veut, Iblis. C'est ce qu'il veut. Anna, tu penses que tu as été trop loin, donc tu ne fais pas de tawbah, donc c'est trop tard, donc tu continues. قال متزودين قال متزودين من من يغضب عليكم الرحمن. نعم متزودين يغضب عليكم الرحمن. صحيح الشيطان يفرح الله سبحانه وتعالى يغضب يغضب من ذلك. قال ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده. اساسا من اعظم اسباب الاستقامة. Ça c'est min a'zam asbab al-khayr fi dunya. C'est que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. Si tu sais et tu as la conviction et tu comprends Ismullah azza wa jal al-karim, tu n'auras jamais ce mabda, enfin c'est des sept mauvaises pensées et que Allah ne peut plus te pardonner. Si tu connais le sens et t'appliques ces deux noms ar-Rahman, ar-Rahim, que tu résides tous les jours fi salatik. Non. Et que chaque musulman il connaît, chaque musulman il sait dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a hadhihi ar-Rahma al-Azima. C'est une sifa min sifatihi, parmi ses noms, ar-Rahman ar-Rahim. Fayarham man yasha, subhanahu wa ta'ala. Fala taqnut. Kadhalik, si tu connais hadha al-ism al-Azim, at-Tawwab. التواب أي الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد مهما بلغت ذنوبه مهما بلغت. فلا تقنط أبدا. ساس من تلبيس إبليس على الناس أنهم من الزكاة avec هذا لأن عدو الله إلى باف التوبة إلى غف النار بحكم الله عز وجل حكم عليه بالخلود في النار. فعدو الله إذ أمني معه العباد. فانتبه أخي الكريم. قال الشيخ سعدي واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار حتى الشرك والكفر. Si الإنسان il est sincère et avec les conditions qu'on va citer et il revient et il demande pardon, il fait tawba, wa yastaqim, et il rentre dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala yatoubu alayhi. Al-qatl, c'est une jarima azima. Et le meurtre, celui qui fait tawba, et il remplit des conditions, fa Allah subhanahu wa ta'ala yatoubu alayhi. Ah bah, look, des ma'asi en dessous de moins grave que hadi. Fa ya laha min ni'ma, wa ya laha min bushra lil'ibad. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال أي الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فالخطأ يحصل الإدخماء إلى الفبل. نعم فتخطئون بالليل والنهار صحيح ذنوبنا كثيرة. قال عز وجل وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أنت تسي أن الله سبحانه وتعالى سالغفور سالغفار c'est le Tawwab, c'est le Karim, c'est le Rahman, c'est le Rahim. Tu sais hada. Il te montre plus la deuxième chose comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il te montre anahu yaghfiru adh-dhunub, lakin il faut que tu demandes. Il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu fasses tawba. Fastaghfiruni aghfir lakum. وفي الحديث الآخر يحسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. On n'est pas معصوم. On n'est pas معصوم. On a tous des faiblesses. Et on ne doit pas ouvrir كذلك ce bœuf en entendant ce genre de hadith, ce genre de verset qu'on cite. Où l'insan il dit An Allah subhanahu wa ta'ala c'est tawab, je fais des ma'asir, je ferai tawba. Iyak. Ihdar. Iblis, il combat al-ibad avec plein de moyens, de différentes manières. Et parmi ces manières, on a cité Annahu. بعض الناس يpense que c'est trop tard. Donc il fait pas de tawba. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الناس كذلك أنهم إبليس les égards, ils font et ils disent je ferai التوبة plus tard. وهذا ما تدري. هذا ما تدري. Tu sais pas quand est-ce que l'ange de la mort il va descendre et il va récupérer ton âme. Tu sais pas est-ce que tu auras la force de délaisser. Tu sais pas est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va te wafak. Enfin, joue pas avec ton dé. Naam, tu fais des dounous et on en fait tous. On demande pardon à Allah Azza wa Jal. On fait tawba. On regrette. Comme on va démontrer. Et Inch'Allah yahsul khayr. Qala kullu bani adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Donc les erreurs, il y en a et il y en aura. Lakin khayrul nas. De ces êtres humains qui font des erreurs, les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent à Allah, Azza wa Jal, c'est ceux qui font at-tawba. Wa ta'ammal ma'i, hafidhak Allah, hada al-hadith al-azim. Méditez bien, ya ikhwan, sur hadhihi al-adilla. Faman haqqaqaha, celui qui comprend at-tawba et qui l'applique et qui fait des efforts, fa inshaAllah. يسعد إلى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. تأمل معي هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. أنم qui faisait partie des peuples qui étaient avant nous, et avant la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme, il a tué 99 personnes. Dhanb azim, jarima, tuer 99 personnes, bighayri haqq, et des innocents. Qala, fasa'ala an alami ahli al-ard, fadulla ala arahib. Tu tires comme leçon de ce passage, أن الإنسان يرجع أهل العلم، فهذا الرجل من توفيق الله له أنه malgré toutes ses erreurs et ce vol et il a tué 99 personnes الآن أنه يرشح أعلم الناس لأنه إلى une question. هكذا نحن. Ces étapes elles sont importantes. Ces étapes elles sont très importantes pour faire التوبة. لأن أحيانا tu veux faire التوبة et t'as besoin qu'on te conseille, t'as besoin qu'on te montre. Enfin, tu reviens à Ahlul Ilm. Ne reviens pas au Duhal. Ne reviens pas à Ahlul Ahwa. Rubbama, une fatwa, et il te fait du mal, ou il se fait du mal à lui-même. Ta'ammalou. Qala, fasa'ala an ahlim, a'alam ahlil ard, fadulla ala rahib, ay abid. Abid. Ça nous montre كذلك. Anna al-abid, rubbama, il est kathir al-ibada. Rubbama, c'est un rajul salih. Lakin, la ya'lam min dinihi illa al-shay liyasir. Enfin, c'est pas une référence, on revient pas à lui pour ce genre de masail et pour d'autres. Al-abid, c'est abid. Naam. Enfin, ce hadith, il montre كذلك أن العالم il est أفضل من العابد. قال, bien sûr, sans, voilà où, si on fait des efforts dans l'ilm, ça implique pas qu'on délaisse l'ibada. Abadan. قال, فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدل على راهب فأتاه فقال. Donc, هذا الرجل, on lui a présenté un abid. Ay, une personne qui adorait beaucoup Allah Azza wa Jal. Et cette personne, elle n'avait pas d'ilm. Et هو, il voulait un alim. Lakin, on lui a présenté هذا. فقال, أي الرجل, أنه قد قتل 99 نفسا فهل له من توبة. Donc cet homme, il demande, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux faire tawbah ? قال العابد لا فقتله فكمل به المئة. نعم تأملوا une fatwa. Une fatwa, et il s'est fait du mal à lui-même. فالحذر الحذر من الكلام بغير علم. Même si tu veux faire du bien. فالنية هذا العابد ربما c'était le خير. Et il était sincère. لكن il s'est fait du mal. لكن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد celui qui a tué les 99 il était مخلص فوفقه. Il a demandé كذلك une autre fois أعلم أهل الأرض. Il veut poser sa question, est-ce qu'il peut faire tawbah? الآن il l'a tué 100 مع العابد. فدل على رجل عالم عالم من العلماء. Ils lui ont présenté. فقال أي الرجل أنه قتل تسعة أو قتل نعم مئة نفس فهل له من توبة. أي il demande à ce عالم, j'ai tué 100 personnes الآن, est-ce que je peux faire التوبة. فقال نعم. العلماء c'est une رحمة pour هذه الأمة. العلم c'est نور وهدى. فهذا الرجل الآن العاصي كات في 100 بيرسون بهذا العالم الله سبحانه وتعالى فتح عليه أبواب الرحمة. Il lui a répondu نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة. هذا العالم il connaît son دين. هذا العالم il connaît الله عز وجل. Qui c'est qui va te priver de التوبة. الله c'est التواب, الله c'est الرحيم, الله c'est الغفور. Il a fait des erreurs, il regrette et il fait le premier pas. Il y a une démarche, il cherche, il se renseigne. فسو عالم قال له ومن يحول بينه وبين التوبة. وهكذا نحن en se basant sur ce hadith que le prophète sallam il a approuvé, enfin c'est une hujja. On dit et qui sait akhi al-karim, même si tu as fait des erreurs, même si tu avais des positions qui n'étaient pas ala al-haq, qui sait qui va s'opposer à ta tawba. فلا يجوز لأحد. Il y a les conditions, tant que tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala yatoub ala man tab. Qala wa man yahul baynahu wa bayna at-tawba. Thumma il le conseille. Ça montre à celui qui veut faire tawba, il a besoin de conseils. Il y en a rubbama son cœur il est malade. Rubbama il a des faiblesses. Rubbama il a des choubas. Il a besoin de conseils ahl al-ilm. Et nahnu on conseille à nos frères, on conseille les jamia, annahum ils prennent leur din et les conseils min ahl al-ilm. C'est eux ahl al-khibra. C'est eux qui ont d'expérience, c'est eux qui connaissent les textes. C'est eux qui connaissent beaucoup de ce qui se passe fi saha. Fa ils vont te conseiller avec un conseil inshallah tastafidu min. Wa iyyak tu prends les conseils min al-juhal wa min ahl al-dhalal. Rubbama ils te conseillent comme on a cité une chose et rubbama tu te fais du mal ou il se fait du mal. وتقدم ما حصل للعابد قال اسمعوا على نصيحة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. النصيحة طيبة جدا. لماذا؟ لأن هذا العالم il sait très bien que pour que التوبة elle soit facilitée il faut que tu changes d'environnement. Il faut que tu fréquentes As-Salihi. Et ça, c'est min a'zam al-asbab pour que At-Tawbah, inshallah, elle aboutisse. Si tu as des mauvaises fréquentations, change ces fréquentations. Comme min al-nas, ils veulent faire Tawbah. Et ils font Tawbah. Ils sont sincères. Thumma, ils continuent à fréquenter Al-Usa. Ils continuent à fréquenter ces gens avec qui ils fréquentaient. Thumma, rubbama, ils retombent fil ma'asiyah. كذلك l'endroit. كم من الناس ils veulent faire des efforts, ils font tawbah, لكن ils sont dans un endroit bilad kufr, bilad shirk, des ma'asi, des fitan. ثم il faiblit et il peut pas. Il peut pas, il est tout seul. C'est un être humain. ففي هذا الحال الهجرة الهجرة. الهجرة الآن ça va être la cause. Et cet homme il va faire l'hijra comme ça يأتي, ça va être la cause de sa réussite في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنها بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. كذلك ce passage du hadith nous montre أن l'objectif de l'hijra c'est l'ibada. L'objectif de l'hijra c'est qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. L'hijra c'est pas pour faire de l'argent en plus. L'argent elle est fait bilad al-kufr wa al-dhalal. Al-hijra c'est pas pour faire des projets faqat. Al-hijra c'est pas pour avoir du confort faqat. La. Ça veut pas dire que celui qui fait l'hijra il a pas le droit de travailler. Abadan. Lakin ta niya et ton qasd ça doit être comme cet homme. Et comme ce alim il lui conseille, c'est que t'adores Allah Azza wa Jal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Amma tout ce qui est dunya, ne t'inquiète pas, ça suivra. Wa'dullah subhanahu wa ta'ala. قال فانطل أو قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Ça montre qu'il y a des endroits t'as pas à les fréquenter, Akhil Karim. Il y a des endroits si tu restes, si tu résides, si tu habites dans cet endroit, ça te fait du mal. لماذا لأن الأرض أرض سوء. Et les habitants de cette أرض c'est des أشرار ربما des كفرة. Et au milieu d'eux tu seras touché. Au milieu لأن المر tu seras touché, tu es un être humain, tu es obligé d'avoir des contacts, tu es obligé de fréquenter un minimum, et si c'est des ashra, ça te fera du mal. Qala, fantalaqa, al-rajul, quand tu es sans personne, il a niya tayyiba, et il fait ce amal azim, al-hijra. Qala, fantalaqa, hatta idha nasafa al-tariq, atahu al-maut. Au milieu du chemin, il est mort. Ça montre l'importance de faire tawbah rapidement et de chercher à faire tawbah et de faire les causes. Les annal maut, elle ne prévient pas. Elle est descendue, malak le maut, et il est au milieu de la route. Qala, fakhtasamat fihi malaikatul rahma wa malaikatul adab. Malaikatul rahma wa malaikatul adab. Ils n'étaient pas d'accord. Ikhtasamu fihi. Et qui c'est qui va le prendre? Est-ce qu'il est fil jannah? Sa tawba a été acceptée? Est-ce qu'il est fil nar? Qala sallallahu alayhi wa sallam, faqalat malaikatul rahma ja'at iban muqbilan faqabilahu Allah. Hujjat malaikatul rahma annahu ila fat tawba. Et son espoir, sa niya, c'était se rapprocher d'Allah azza wa jal. Wa qalat malaikatul adhab innahu lam ya'mal khayran qat. Et il a jamais fait de bien. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم. Un malak, l'apparence d'un être humain, il est venu et il va trancher entre ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقال قيسوا ما بين الأرضين. Et il mesurait la distance entre les deux terres. Et la mauvaise terre qu'il a quittée et la terre qu'il voulait. Et pour adorer Allah Azza wa Jal. قال فقيسوا فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضه ملائكة الرحمة. Celui qui fait tawba et il est sincère, il est toujours gagnant. هذا الرجل, il a pas fait beaucoup d'a'mal, malgré qu'il a fait des a'mal. Il avait une bonne niya et il a fait le hijra et il s'est déplacé et c'est un a'mal لله عز وجل. فمع هذا, ça lui était utile جدا لأن الإخلاص, les efforts. Al-ikhlas et les efforts, même si l'amal il est peu, ça te sera utile jiddan. Ça te sera utile jiddan عند الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. أما كثرة العمل, et si c'est pas sincère pour Allah عز وجل, et c'est pas fondé sur sunnat al-Nabi صلى الله عليه وسلم, ça te fait aucun bien. بل, ça te fait du mal. فباب التوبة il est مفتوح ولله الحمد. قال الله جل وعلا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Si vous faites tawbah, c'est meilleur pour vous. خَيْرٌ لَكُمْ. خَيْرٌ الدُّنْيَا. خَيْرٌ الْآخِرَة. Et bien sûr, al-aks bil-aks, celui qui ne fait pas de tawbah, ce n'est pas un khayr pour lui. عن أبي موسى, on cite quelques fadaïl في التوبة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبسط يده بالليل, أي الله عز وجل, يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. Celui qui a fait des péchés في النهار, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte Tawba s'il l'a fait, fil l'ayl. Qala, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'u l'ayl hatta tatlu'a shamsu min maghribiha. Bien sûr, cette condition, comme on va voir, avant que le soleil se lève min al-maghrib. Na'am, kadhalik, avant al-gharghara. Inch'Allah, on expliquera هذا. Wa qala Allahu jalla wa ala, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ce fi'l, cette tawbah que Iblis ou Junud Iblis, min al-kafara wa min ahl al-dhala, ils font tout pour les écarter de cette ibadah azima, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Et yuhib man fa'alaha. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. من فضائل التوبة كذلك أن الله يفرح. Allah il aime la tawba, il aime ceux qui font tawba, et كذلك يفرح لتوبة عبده. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد راحلته وقد أظلها بأرض فلا. الله سبحانه وتعالى يفرح يفرح بتوبة العبد أكثر. نعم. Plus que Su'ab, s'il a perdu sa monture, il est dans un désert, il a perdu sa monture, Thumma, il la retrouve. La chèk, Anna, ça te rend heureux, t'es content. Fallah subhanahu wa ta'ala, yafrah akthar min dhalik. C'est ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Allah subhanahu wa ta'ala, yafrah. Kadhalik, cette tawba, allati qala Allah subhanahu wa ta'ala fiha, fa in tubtum, fa huwa khayrun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré la tawba, فيها الخير. الخير كله. قال subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tu veux le falah, tu veux réussir. At-tawba. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. On doit tous faire tawba. Et là, c'est la cause de notre réussite. في الدنيا والآخرة. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. التوبة كذلك من أسباب الرزق. كم من الناس يفون دي concessions sur leur دين. والله بعضهم ربما يفعل الصلاة pour quelques euros, pour quelque chose بسيط من أمور الدنيا, أو il applique pas la sunna, أو il fait des ma'asi, tout ça pour الرزق. Et هؤلاء ils sont في غفلة عن قول الله عز وجل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الشاهد استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أي في التوبة سوف أمبليكي كوا هذه التوبة يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم رزق المطر. نعم فالله سبحانه وتعالى الإنسان سيف التوبة الله سبحانه وتعالى يليوغ لبخت دو خير. ومن أعظم فضائل التوبة أنها تكفر السيئات والذنوب. هذا أعظم فضل أن الله سبحانه وتعالى بهذه التوبة يتبعدن. قال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكفار من اليهود من النصارى من المشركين من الملحدين سي يفون التوبة. قال عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا سيسا التوبة أي يسغط يسغط دفع هذا الكفر يغفر الإسلام يغفر لهم ما قد سلف. الله يلوغ باردون توس كيزون في أوبرابا رحمة. الله سبحانه وتعالى سي أرحم الراحمين. قال الإمام ابن كثير في تفسيره أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخل في الإسلام بهذا الشرط بهذا الشرط. أما السلوي كما على الكفر وعلى الشرك فالله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أما من تاب فقال ابن كثير قال ويدخل في الإسلام والطاعة والإنابة. الإنابة ستغسم لها التوبة. قال يغفر لهم ما قد سلف من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم. نعم كان كافر ملحد ربما il a combattu الدين il a combattu رسول الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم s'il fait tawba et il est sincère فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الإسلام يجب ما قبله أي الإسلام il efface tout ce qui est avant celui qui se convertit tout ce qu'il a fait auparavant من الكفر والعناد والمخالفات etc. الله سبحانه وتعالى lui efface tout, il lui pardonne. قال والتوبة تجب ما كان قبلها كذلك pour le muslim. كذلك le muslim si il fait tawbah, toutes ses erreurs الله سبحانه وتعالى il lui efface, il lui pardonne. فالحديث il englobe الكافر si il rentre في الإسلام et le muslim il est déjà في الإسلام لكن il regrette, il fait tawbah, الله سبحانه وتعالى يغفر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيت أن رجلا il a fait un ذنب أي il a fait un péché, une معصية et il a dit اللهم اغفر لي ذنبي نعم sincérité il veut qu'Allah lui pardonne il prononce اللهم اغفر لي ذنبي il a fait une erreur, ça arrive. قال فقال الله أذنب عبدي ذنبا ثم علم أنه له ربا يغفر الذنب première chose الله سبحانه وتعالى يقول أن ce عبد il a fait une erreur il a fait une معصية et il sait il a la conviction qu'il a un رب qui pardonne ça c'est la première chose pour fermer la porte à Iblis c'est trop tard j'ai trop fait j'ai été trop loin mais moi c'est pas comme les autres نعوذ بالله t'as pas tué 99 ou 100 personnes ma avon Allah subhanahu wa ta'ala il a pardonné à l'homme qui a tué 100 personnes anta inshallah t'es ahra bidhalik qala anna lahu rabban yaghfiru dhanb première étape c'est que t'as la conviction tu reconnais que t'as fait une erreur falihada qala allahumma ghfir li dhanbi première étape tu reconnais mais celui qui ne sait pas ou qui ne reconnaît pas ou qui s'entête. Enfin, comment il va faire tawbah? La première étape, c'est qu'on reconnaisse. Nous, on a des faiblesses. Al-haq, c'est al-haq. Mais ils essayent de se rassurer. Ils essayent de chercher des versets ou des hadiths en leur faveur. Les recherches, c'est pour al-haq, c'est pas pour notre position. Ils essayent de trouver بعض كلام أهل العلم. Maintenant, on prend l'exemple des images, des photos, des vidéos. Il y a des hadiths واضحة. Au minimum, tu as un doute. Écarte-toi, Akhi al-Karim. Qala Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Na'am. Al-halal bayin, al-haram bayin, wa baynahuma umurun mushtabihat. Na'am. Faman ittaqa al-shubuhat. Faqad, na'am. Ay, il a préservé son din. Istabra al-dini wa irdih. نعم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام تسا يا أخي تب إلى الله دلس ما الشيخ فلان إلى دي أين الورع أين الخوف من الله نعم كلام الرسول يباس أفو et le savant s'il a un ishtihad il est récompensé أما le suivre aveuglément et même si on cite des adillah pour repousser la personne mais الشيخ فلان il a dit tu auras des comptes et on aura tous des comptes à rendre يوم القيامة فأون médite sur هذا. Si c'est un dhamb, c'est un dhamb, yaakhi. Ça va ouvrir les portes, tu vas commencer par les photos. Touma, tu vas prendre un autre ijtihad d'un autre savant. Touma, man tatabba'a rukhas al-ulama tazandak. Kathir min al-salafi répétait hada. Celui qui suit les erreurs des savants, il est tazandak, ça peut aller loin. Ça peut aller loin, il peut faire du mal à son din. Diddan. Qala. فقال الله أذنب عبدي ذنبا ثم علم أنه له ربا يغفر الذنب donc la deuxième étape il sait et il reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne donc il a reconnu qu'il a fait une faute il sait qu'Allah il lui pardonne s'il fait la demande il n'a plus qu'à demander ça c'est pour ça qu'il a dit اللهم اغفر لي ذنبي قال عز وجل ويأخذ قال الله أذنب عبدي ذنبا ثم علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت له نعم sincérité avec ces étapes الله سبحانه وتعالى il lui a pardonné بل تأمل أخي الكريم هذه البشرى العظيمة أي الله سبحانه وتعالى il pardonne les péchés et les fautes de celui qui fait tawbah et أكثر من ذلك قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بل الله سبحانه وتعالى il lui change ses سيئات ses péchés en حسنات بشرى عظيمة فضل الله لواسع l'importance de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire des efforts l'ayn nahar, apprendre notre aqid, apprendre les noms d'Allah, apprendre les attributs, as-sifat, faire des efforts fil mu'taqad as-sahih. Et vous verrez que ces choses, on aura beaucoup plus de facilité à accepter le haqq, à faire tawbah si on a fait des erreurs. Tout ça avec l'ilm, avec la sincérité, avec une connaissance de aqid as-salaf, inshallah ça sera beaucoup plus simple. Et de laisser le qil wal qal. Foulan il a dit, délaissez ceux qui combattent al-haq, qui combattent l'adilla, délaissez les shubah, la perte de temps, c'est ça qui fait du mal. Le cœur est durci, si cette personne qui a le cœur dur à les conseiller, il peut rejeter un hadith ou une ayah très simplement, avec une shubah. Mais un tel il a dit. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyatihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait tawba, wa amana, bien sûr c'est un musulman, il est sincère, wa amila salihan, il fait des efforts, et il s'écarte de ce dhanb, et il fait des efforts, il rattrape le temps qu'il a perdu. Fa ulaika yubaddilullah, Allah subhanahu wa ta'ala, ha'ula, ceux qui font des efforts, ils sont sincères et ils font tawba, yubaddilullahu sayyatihim hasanat. T'es jamais perdant si t'es mukhlis, bel t'es gagnant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. قال وكان الله غفورا رحيما قال الإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسيره عند هذه الآية أي تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات. Première chose que tu dois comprendre de ce verset, et c'est un قول parmi أقوال العلماء, أنهم ils vont délaisser السيئات ils vont faire الحسنات. Maintenant, il buvait de l'alcool, il arrête de boire de l'alcool. Il ne faisait pas salat, il fait salat. Donc, si c'est un tel délaisse, et il fait le hasanat. Ça, c'est un qawl. Qala, fa yatabaddal shirkuhum imanan. C'est un mushrik qui devient mu'min. التوحيد قال ومعصيتهم طاعة وتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية بل ces mukhalafat, ces ma'asi qu'ils faisaient, ces dhunub, Allah subhanahu wa ta'ala, il les remplace elles-mêmes par des hasanat. C'est zahir al-ayah. Et les deux avis, ils ne se contredisent pas. Fa nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma wa ala ni'amihi al-kathira wa ala fadlihi al-wasi'. On doit être reconnaissant. Notre din, c'est un din azim. On n'a pas le droit de le délaisser pour Afkar al-Gharb. On n'a pas le droit de laisser Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour Ara al-Rijal, les avis de un tel et un tel. On n'a pas le droit de délaisser cette ni'ma pour faire plaisir à Fulan et Allah. Et si on a eu un manquement, on a fait des erreurs, fanatubu ilallah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuha al-mu'minun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha al-lazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Bien sûr, toutes ces fada'il qu'on a cité, ce bienfait, at-tawba, cette ibadah azima, elle a des conditions. Qala azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu tawbu ila Allah. Faut que tu sois sincère. At-tawba, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ibadah. Tawba tan nasuha. Une tawba que Allah et son messager et nous ont démontré pour qu'elle soit acceptée certaines conditions. Qala al-imam ibn Muflih fi al-adab al-shar'iyya. C'est un kitab azim, nafi' jiddan. Al-adab al-shar'iyya l'ibn Muflih. Il démontre beaucoup de comportements que le musulman doit avoir. Et parmi ces comportements, at-tawba. Qala, at-tawbatu an-nasuh. C'est quoi at-tawbatu an-nasuh? Le repentir que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte, il agrée. Le repentir sincère. Qala, kama qala al-Hasan al-Basri, rahimahullah, al-imam, al-kabir. قال c'est quoi التوبة النصوح قال ندم القلب أولا un regret نعم بعض الناس تعلمون أنهم يفعلون معاصي et il peut pas faire توبة il y en a il aime cette chose il a envie de faire cette chose ربما il combat pour cette chose il a aucun, il pense pas à arrêter. Comment il va regretter? Amma, celui qui veut faire tauba, une tauba, khalisa, tauba, nasuh, awalan, son cœur, il regrette. Qala, wastighfar bil lisan. Na'am. Kadhalik, il doit prononcer. Kama ja'a fil hadith. Annahu, il a Allahumma ghfirli. Qala, wa tark bil jawarih. Kadalik, il délaisse cette chose avec ses membres. Si c'est un endroit, il n'y va pas. Si c'est une marsia avec la main, il ne la fait pas, etc. Qala wa idhmar annahu la ya'oud. Et il a la conviction avec les regrets, la sincérité. Et il délaisse, kadalik, il a la conviction annahu, il ne refait pas. Et il ne retourne pas à ce péché. C'est ça, sa niya. Amma faire tauba aujourd'hui, et la niya demain, de refaire ce dhamm, هذه c'est pas une tawbah maqboula عند الله. قال الإمام ابن كثير أو زاد قبل ذلك الإمام ابن مفلح ومجانبة خلطاء السوء. Et ça c'est important جدا. تأملوا الإمام ابن مفلح il le cite dans la définition de tawbah, délaisser les mauvaises fréquentations. لأنه il sait رحمة الله عليه أن en fréquentant أهل الشر tu retomberas dans le sol. C'est ça l'asl. Fait tawbah, délaisser al-ma'asiyya et délaisser kadhalik ceux qui la font. Na'am. Et parmi les choses qui facilitent aux musulmans à tawbah, c'est de délaisser ard a'da'illah al-kafar. Comme les ma'asi, on a beaucoup plus que dans les pays musulmans. Les pays musulmans, fiha mukhalafat ou ma'asi. Mais si tu veux le khayr, il est maujoud. Et tu trouveras toujours des ansars qui t'aideront. Mu'minoun, qui aiment le haq. Amma, عند الكفرة, c'est très très difficile. Très difficile. Certaines choses, t'as du mal, même c'est devenu presque impossible à appliquer, et d'autres choses très difficiles à délaisser. On fait des efforts fi hadha al-bab. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر. Ça montre un at-tawba, c'est ala al-fawr, c'est directement. On n'a pas le droit de repousser. Et là, tu ne sais pas est-ce que tu auras la force de refaire tawba. Et plus tard, tu ne sais pas est-ce que tu seras encore en vie. Et on a vu l'histoire de celui qui a tué 100 personnes. Il a fait tawba, il a fait al-hijra, il s'est déplacé, il est mort. Tawfiqullah subhanahu wa ta'ala, il a fait tawba avant. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui nous est réservé. On ne sait pas quand est-ce que Malak le Mouti vient. Donc, fil hadir comme a dit l'imam al-Kathir. Directement. Qala wa yandam ala ma salafa minhum fil maadi. Il regrette. Qala wa bi'azm ala an la yaf'al fil mustaqbal. Kadhalik, il a une conviction sûre. Annahu, il ne refait pas ce dhamb. C'est ça sa niya. Et si il reglisse, ça arrive. Il refait tawba avec cette niya. Et il fait des efforts, hatta il le délaisse. Amma, au départ, je fais tawba. Et je sais que j'ai même la conviction que je vais refaire, c'est pas une tawbah. Non, c'est une tawbah pour la personne. Amma indallah, la. Ya ayyuhalladhina amanu tawbu ilallah. Tawbatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qayyad cette tawbah avec des conditions. Que l'imam ibn Kathir nous cite. Qala wa ya'zum, wa ya'zum ala an la yaf'al fil mustaqbal. Thumma in kana al-haq li adami raddahu ilayhi bi tariqih. Une autre condition, kadhalik, c'est si tu as fait une erreur, un vol, une injustice, un vol, etc. à un être humain, tu lui rends. Et hada, inshallah, ça n'a d'accord à shurut, bishay min al-tafsil. Le premier shurut, donc, al-ikhlas, la sincérité. Qala al-imam al-Qurtubi, rahmatullah alayhi, fil mufhim, sharh sahih muslim, c'est un sharh tayyib. على صحيح مسلم للإمام القرطبي رحمة الله عليه قال بيان الأول أنه قد يندم ويقلع ويعزم ولا يكون تائبا شرعا نعم tu peux trouver une personne elle fait tawba elle regrette elle arrête de faire ce péché lakin elle a pas fait tawba Et sa tauba n'est pas sahiha, elle n'est pas acceptée. قال إذ قد يفعل ذلك قد يفعل ذلك نعم من أجل ماله أو لا يغيره الناس من ذلك نعم أي شحا نعم إذ قد يفعل ذلك شحا على ماله أو لا يغيره الناس من ذلك ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية والإخلاص نعم شو بقى من personal delays. Elle regrette, لماذا? لأن il s'est mis du monde à dos. Ou il a perdu de l'argent. فلهذا il arrête de faire cette chose et il regrette. C'est pas لله عز وجل. La condition pour que التوبة soit acceptée, الإخلاص. قال القرطبي رحمة الله عليه قال ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالنية والإخلاص فإنها من أعظم العبادات الواجبات ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. Toubou ilallah, taubatan nasouha. Donc, tauba, c'est pour Allah. C'est pas pour faire plaisir aux gens. C'est pas tu délaisses et tu regrettes, il y en a, t'as perdu de l'argent. Ou tu délaisses pour gagner de l'argent. C'est pas ça, tauba. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Enfin, cette tauba, la première chose, c'est pour Allah. On sait que cette chose, ça nous écarte de Allah. Et on sait qu'en le faisant, ça nous rapproche d'Allah. On fait tauba. Deuxième condition, al-iqla', يعني la ma'asiyah. Délaisser la ma'asiyah elle-même. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. Et s'ils arrêtent, ils cessent de faire leur kufr, leur shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne s'ils font tawbah. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. أما celui qui continue à faire الذنب et fait التوبة هذا il n'a pas de التوبة لأن le but de التوبة c'est délaisser et se rapprocher d'Allah. هذا il continue à faire. فمن أين له التوبة. تنبيه مهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى. C'est une remarque طيبة. Souvent quand on parle de التوبة on parle des péchés المعاصي المخالفات. Et beaucoup de gens, ils comprennent les péchés, boire de l'alcool, az-zina, az-shirk, etc. Lakin, Cheikh l'Islam, il fait un tambih muhim, et ça montre, fiqh, hada l'imam, qala, wa laysat at-tawba min fi'l as-sayyi'at faqat. At-tawba, c'est pas simplement, tu fais tawba quand t'as fait un péché, et une ma'siya, voler, mentir, etc. Qala, kama yadhun kathir min al-juhal. Beaucoup d'ignorants ils pensent à هذا. قال ولا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم. نعم. Ils ont cette vision هما. أن التوبة c'est que pour ses péchés, le vol, le zina, etc. قال الشيخ رحمه الله بل التوبة من ترك الحسنات. كذلك on doit faire توبة si on délaisse الحسنات المأمور بها. أي الواجبات. Celui qui ne fait pas salat, celui qui ne qui sort pas zakat, qui ne fait pas ramadan, qui ne fait pas le hajj, etc. Ha'oula, s'il délaisse des wajibat, il doit faire tawba et faire ses wajibat. Et ça, c'est muhim. Kalam Cheikh l'Islam, hada tambih, il est muhim. Fal-iqla' ani la ma'asiyah, aïe délaisser les péchés, et si on délaisse une obligation, on doit la faire. Et délaisser cette obligation, fal-haqiqa, c'est une ma'asiyah. Lakin, at-tambih, il est muhim. كذلك من الشروط الندم أي لغدغل. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فذلك دليل على عدم رضاه به وإصراره عليه. Ces regrets, avec la sincérité bien sûr, ça montre qu'il déteste cette chose et inshallah il arrêtera de la faire. لأنه il a des regrets. من الشروط كذلك le quatrième العزم الصادق أن لا يعود إلى هذه المعصية. تقدم أي il a la conviction. Et il est sincère, et c'est son objectif de ne plus faire cette ma'asiyah. Qala al-shaykh al-allama, Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, fa'in kana yatub ila Allah, wa fi niyatihi an ya'ud ila al-dhanb, fi waqtin akhar, fahadhihi tawba mu'aqqata, la yaqbaluha Allah subhanahu wa ta'ala. Namma si fait al-tawba, il a l'intention de refaire, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas cette tawba. Cinquième condition est... On l'a cité brièvement. أن تكون هذه التوبة في زمان تقبل فيها التوبة. Il faut que cette توبة elle soit dans un temps où Allah subhanahu wa ta'ala il accepte la توبة. Ça démontre que Il y a des moments, Allah il accepte pas de tawbah. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Premier moment, Allah subhanahu wa ta'ala il accepte pas de tawbah عند الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أما si il est à la fin, en train de mourir, il fait sakarat al-maut, il est en train d'agoniser, il espère plus de vivre, khalas, il sait que c'est la fin, comme ça y est, il n'a pas de tawbah. S'il fait tawbah, il n'est pas accepté. Qala al-imam ibn Kathir, rahmatullah alayh, fi tafsir ayat surat al-Nisa qu'on a cité, faqad dallat hadhihi al-ahadith, il a cité des hadiths, dont le hadith qu'on a cité. قال على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. Celui qui fait tawbah et il a encore, il espère encore vivre, il sait que c'est pas la fin, فهذا إن شاء الله ستوبة لأكسبته. ولهذا قال الله تعالى فأولئك يتوب الله عليهم. قال وأما, لكن c'est ce qui nous intéresse نحن هنا أكثر, متى وقع اليأس من الحياة. Et il espère plus. Il sait que, maintenant il est gravement malade, il sait que, il sent que c'est la fin. Et il espère plus de vivre. Il fait tawbah. Fa fi hadha al-hal la. Qala wa amma mata waqa'a al-ya's min al-hayat wa 'ayana al-malak. Et il voit le malak rubbama. Khalas, il voit la mort, elle est amama. Qala wa hashrajat hakada wa hashrajat ar-ruh fi al-halq wa dhaqa biha as-sadr wa balaghat al-hulqum. وغرغرت النفس نعم حتى يسان son نفس خلاص elle va sortir. Il est entre la vie et la mort, il agonise. غرغرة, on appelle ça بالعربية الغرغرة. قال وغرغرت النفس صاعدا في الغلاصين. قال فلا توبة مقبولة حينئذ. في هذا الوقت il n'y a pas de توبة. C'est pour ça qu'on doit s'empresser. Ne retarde jamais les choses que tu peux faire aujourd'hui, خاصة في الدين. واستبق الخيرات. On doit faire des efforts. Amma repousser, c'est minash shaitan. Fata'ammanu hadha al-an, hadha al-khusran. Tous ces péchés, etc., il délaisse. Inda al-maut, dès qu'il voit, il sent son âme qui sort, il fait tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas. Wa fi sahih, an Abi Huraira radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. Deuxième moment, celui qui fait tawba avant que le soleil se lève à l'ouest. من مغربها. نعم. ففي هذا الحال توبة لا يقبل. لأنه خلاص il a vu. Il a vu هذه الآية العظيمة. القيامة ستقوم après هذا. أي voit le soleil se lève à l'inverse. ففي هذا الحال ربما كثير منهم ils voudront croire, ils voudront faire tawba. C'est trop tard. لأن ils voient. Allah سبحانه وتعالى il accepte pas في هذا الحال. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في المفهم يعني أن التوبة تصلح وتقبل دائما. نعم تصح وتقبل دائما. أي الله سبحانه وتعالى il accepte bien sûr avec les conditions qu'on a citées. قبل أن تطلع الشمس من مغربها فإذا كان ذلك طبع على كل قلب بما فيه ولم تنفع توبة أحد. نعم الله سبحانه وتعالى يطبع على القلوب. Et même si on qadra wahed, il veut ou il fait tawbah, c'est pas accepté. On a des règles. Et ça, c'est important. Ta'amalu, ce bab qu'on étudie ensemble, il y a des conditions, il y a des moments. C'est pas que tu fais comme tu veux. C'est notre din, il est basé sur ça. Qala Allahu Azza wa Jal, wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Ça, c'est important, ya ikhwan. Tous les sujets qu'on traite, c'est avec des règles bien précises. On est des musulmans. On a un Rabb, Jalla wa Ala. On a un Rasoul. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé un kitab. On a des ulama. On ne fait pas ce qu'on veut. Chaque bab que tu consites, tu trouves Ba'd al-Nas yatakhabbatoun. Hatta fi tawba. Il fait tawba comme il veut, quand il veut, il n'a pas les conditions. Al-haqiqa, il se fait du mal, faqat. On montre l'importance du ilm. Tu veux avancer dans ton din, traite les sujets avec ilm. قال الله قال الرسول avec la compréhension de أهل العلم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة السنة من السلف ومن جاء بعدهم

C'est des questions. T'as à rendre des comptes. T'es, le malaïka, ils témoignent. Ils ont as-suhuf, c'est tout écrit. Tes membres, ils témoignent. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. C'est que des comptes. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْغَفْلَة. On fait attention à الْغَفْلَة عَنِ التَّوْبَةِ. Il y en a كثير من الناس, ils veulent le khayr, لكن الْغَفْلَة. Il oublie. Il continue. حَتَّى يَأْتِ الْمَوْتِ. Et c'est trop tard. فَهَذَا الْيَوْمِ c'est un يوم عظيم, يوم القيامة. يَفْرَح مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْتَوْبَةِ. Celui qui croit fait tawbah, yafrah. Allah il lui a pardonné, ben ses péchés sont changés en hasanat, et inshallah il est gagnant. Et yandam, hasra, celui que il a délaissé à tawbah. Na. Qala azza wa jalla, wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ceux qui délaissent tawbah, adh-dhalimun. Ils sont injustes envers eux-mêmes et envers les autres. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين حياكم الله مع تحية دماج افاق.com